Angoisse et solitude vues avec lucidité. Enregistrement fait lors de l'année 2024. J'ai eu un échange récemment avec Francis de Montréal. Donc, au fil des dernières semaines, j'ai eu une correspondance avec lui par courriel en particulier. Et ça a donné place à des enregistrements dont vous pouvez retrouver des enregistrements que j'ai faits en relation avec ces échanges, des capsules audio sur ma chaîne de YouTube. D'ailleurs, il y a une liste de lectures que j'ai fait par rapport à lui d'une manière précise. Et dans un échange récent, il était question de l'angoisse et de la solitude. Et ça m'a amené à des éléments que je trouve intéressants, d'où le fait que je fais présentement par rapport à ça une capsule audio. En fait, par rapport à l'angoisse, l'angoisse peut se définir comme étant un sentiment de perte de contrôle, un sentiment d'impuissance. Ça peut amener à vivre un état de panique, accélération du rythme cardiaque, difficulté à respirer, en lien avec un sentiment de mal-être. Ensuite, l'angoisse, ça ne doit pas être confondu avec l'anxiété, bien que ça s'en rapproche, parce que l'anxiété, c'est plus précisément un malaise par rapport à l'anticipation d'une menace future. Donc, la personne vit un état de stress par rapport à l'avenir. Puis, pour ce qui est du stress, c'est une réponse physique qui est déclenchée par l'organisme lorsqu'il évalue qu'une menace, lorsque l'organisme est perturbé, lorsque l'organisme vit une tension. Donc, je voulais présenter ces définitions d'entrée de jeu parce que souvent le mot angoisse, anxiété, stress va être utilisé dans les conversations communes d'une manière interchangeable. Donc, par rapport à la notion d'angoisse, quand quelqu'un est angoissé, il peut vivre un sentiment d'impuissance, de perte de contrôle. Or, l'individu qui intègre l'instruction supramentale, qui vit le processus de la fusion et qui réalise qu'en tant qu'ego, il n'y a pas de libre arbitre, eh bien, ça peut amener l'ego à vivre beaucoup d'angoisse parce que ça l'amène à réaliser qu'il ne contrôle pas sa vie. Donc, de réfléchir à ça, c'est problématique, c'est porteur de tension. En fait, dans l'échange que j'ai eu avec lui, il me dit ceci. Penser, David, c'est être angoissé. Penser, c'est de l'angoisse. Écris ça sur ton mur, mon David. Quand je pense, c'est parce que je suis angoissé. Ça va régler bien des affaires, n'est-ce pas? Tu ne régleras jamais rien en pensant. Jamais. Demande aux psy qui ont pensé toute leur vie perdue. Tous ceux qui ont réfléchi et réfléchi et qui ne savent rien. Bon, ici, j'arrête la lecture de son propos. C'est vrai, je dois admettre que penser, c'est de l'angoisse, dans le sens que penser nous ramène, quand on réfléchit à quelque chose, nous ramène à un état de perte de contrôle. Dans le sens que on peut penser à qu'est-ce que, bon, si on prend l'anxiété par rapport à l'anxiété d'anticipation, on peut penser qu'est-ce qui peut arriver à l'avenir. On peut y réfléchir pendant une demi-heure, une journée, plusieurs années même, mais c'est pas parce qu'on réfléchit à quelque chose qu'on va agir dessus. Même chose par rapport à la situation présente, la réflexion. On peut penser qu'on se sent pas bien dans le moment présent, etc., mais ça va pas nécessairement réduire l'état de mal-être. Ce qui réduit l'état de mal-être, c'est d'agir, si on est mis en vibration pour le faire, pour régler quelque chose, le changer, se mettre en action. Parce que sans ça, ça garde dans un état d'impuissance. Donc, tout ça pour dire que beaucoup de souffrance humaine est vécue par rapport à la pensée, la réflexion. Moi-même, dans ma vie, j'ai vécu dans le passé des crises d'angoisse, des états de réflexion, des états de tension. L'une des notions en tant que personne que je trouve la plus difficile à accepter en relation avec l'intégration de l'instruction supramentale, bien entendu, c'est la notion que l'être humain n'est pas libre d'arbitre, car porteuse d'angoisse, porteuse de sentiments d'impuissance, porteuse aussi, dans certains cas, de vivre du stress, dans le sens il faut que que la personne qui réalise ça est confrontée à de l'incertitude parce que le destin de sa vie n'est pas entre ses mains, mais celle de son esprit. Donc, c'est pas évident. Puis, si c'est pas évident pour moi, ben ça se peut que ça soit pas évident pour d'autres. Par contre, de réfléchir d'une manière compulsive par rapport à ça, c'est une perte d'énergie. C'est dilapider ses énergies vitales alors qu'elle pourrait être utilisée autrement dans l'optique d'être bien dans sa peau. Et c'est sûr que l'un des principes de l'intégration de l'intelligence, c'est être capable de faire preuve du discernement nécessaire pour voir qu'est-ce que la personne peut faire pour être bien dans sa peau versus qu'est-ce qu'elle ne peut pas faire, puis être capable de faire la distinction entre les deux. Parce que si la personne elle veut faire des choses qu'elle peut pas, ben c'est une perte d'énergie. Donc, c'est sûr qu'en lien avec son propos aussi, il était question que il y a beaucoup de psys qui passent beaucoup de temps dans de la réflexion, puis ça sert à rien. C'est vrai que dans un sens, des approches psychanalytiques où la personne va réfléchir par rapport au passé d'une manière très grande, dans une optique d'approfondissement, de compréhension, ça ne va pas nécessairement amener la personne à être bien dans son moment présent, là. L'expression d'une parole, dans un sens, quelqu'un qui consulte un psychologue, puis il va s'extérioriser à travers la parole en nommant les éléments qui l'amènent à vivre de l'angoisse dans sa vie, ça prend une certaine portée thérapeutique, sauf si la personne s'enlise là-dedans, puis elle réfléchit constamment à ça. Parce que c'est une roue sans fin. Il y a une distinction entre accueillir un malaise puis prendre conscience que tel élément va amener une forme de souffrance versus être pris en boucle dans une compulsion là, à vivre de l'angoisse. Parce qu'à un moment donné, il faut que la personne arrête de verbaliser, de penser à des choses angoissantes parce que c'est ça précisément qui l'entretient dans son mal-être. Donc, par rapport à l'angoisse, en lien avec l'échange que j'ai eu avec lui, ce que ça me revient à dire, ben, ça sert à rien de me casser trop la tête dans la vie ou trop de réfléchir, parce que c'est porteur d'angoisse, puis la réflexion n'est pas nécessairement porteuse d'action, mais la réflexion m'amène à être récupéré par l'astral, puis à vibrer à un état émotionnel ou un sentiment d'impuissance. C'est sûr que par rapport à l'angoisse, il y avait la question qui avait été abordée par les existentialistes en Europe de l'angoisse existentielle. Donc les gens vivent un malaise dans leur vie, les gens qui sont confrontés à l'absurde, au non-sens, etc. Et pour neutraliser l'angoisse, naturellement, les gens vont faire entre autres de la logothérapie. Viktor Frankl a développé cette approche-là. Les gens vont donner du sens en réaction à l'angoisse. Donc, les gens, en tant que subjectivité, vont, à partir de leurs valeurs, de leurs croyances, essayer de définir un sens à leur vie en réaction à la réflexion. Sauf qu'en faisant ça, ça peut amener les gens à s'astraliser, surtout si la personne, en réaction à une angoisse existentielle très présente, elle devient mythomane. Puis son sens, c'est de se croire être le Messie ou le bon Dieu, donc en réaction à ça. Donc, si la personne, par contre, ne réfléchit pas, est capable de mettre un stop à la réflexion, ben, elle n'est pas astralisée pour se sentir mal à l'aise dans un état d'angoisse. Elle ne fera pas de crise de panique en relation avec ça. Puis en réaction avec ça, elle ne cherchera pas à se réfugier dans de la mythomanie ou à se construire un sens spirituel comme de quoi qu'elle est sauveur de l'humanité pour compenser l'état d'angoisse en se donnant un sens dans la vie ou un sentiment de contrôle. La personne va vivre tout simplement. Donc, elle ne sera pas en réaction par rapport à ça, parce qu'elle peut être récupérée à la fois par l'astral dans le malaise qu'elle va vivre lorsqu'elle connaît de l'angoisse, puis récupérée simultanément par l'astral qui va l'amener à lui proposer mentalement la solution, parce que si on part du principe que la pensée vient d'ailleurs, que en réaction à l'angoisse, eh bien, elle doit, par exemple, se consacrer à une forme de spiritualité ou générer un culte alentour de sa personne pour compenser. Quelqu'un qui se sent impuissant, ben, il peut chercher à se sentir puissant. Donc, quelqu'un qui a une faible estime de lui-même ou un faible sentiment de contrôle, ben, il peut chercher à être en contrôle de d'autres individus pour se valoriser à travers ça. Mais si la personne fait ça par compensation, la personne est récupérée par l'astral. Donc, l'astral peut créer le problème, induire dans le mental d'une personne des pensées qui sont génératrices d'angoisse. Ensuite, la personne vit un malaise. Elle va connaître des crises de panique. Elle va se sentir mal à l'aise au quotidien. Et ensuite, la même réalité astrale va proposer la solution, c'est-à-dire amener la personne à travers le phénomène de la pensée à essayer de se valoriser dans un rôle à caractère spirituel. Or, si l'individu ne réalise pas que c'est l'astral qui, dans un premier temps, a induit le malaise et qui lui propose la solution en réaction au malaise qui a été généré en elle dans sa psyché, ben, la personne est récupérée par l'astral. Donc, l'angoisse, c'est une forme de porte astrale qui peut amener la personne en souffrance, être chevauchée par des entités, par du mémoriel et une programmation qui va la desservir. Donc, il faut que la personne soit capable de contenir le vide de réflexion, puis vivre en affinité avec l'esprit, dans une optique d'acceptation de ce qui est plutôt que de réaction. Donc, quelqu'un qui réagit par rapport à l'existence en voulant contrôler la vie, puis n'est pas dans l'acceptation, ben, il peut vibrer à de la peur naturellement, ce qui fait qu'il est astralisé, qu'il est manipulable. Tandis que si la personne accepte consciemment qu'elle ne contrôle pas sa vie totalement, ben, le vécu est très différent, mais ce n'est pas évident à faire. Et c'est une des raisons, entre autres, pourquoi que je fais un enregistrement en lien avec ce sujet. Sinon, dans l'échange que j'ai eu avec lui, il était question aussi de la solitude. Il dit ceci, Francis, « On fuit notre peur de la solitude dans les activités, les relations, le travail ou dans l'enregistrement de capsules vidéo supramentales, même affaire, n'est-ce pas? On fait du bruit pour éviter la solitude qui pourtant est le tremplin vers le supramental. » J'arrête la lecture ici. Donc, de vivre la solitude, si la personne a la vibration de vivre la solitude, en effet, c'est intelligent. Par contre, est-ce que la solitude, de ma perspective, ne doit pas être vécue comme une attitude psychologique, un peu comme les moines, dans le sens que, avec une recette. Donc, des gens dans l'optique de parvenir à l'éveil, ils vont se consacrer pendant plusieurs de temps à la prière ou au silence dans de la méditation. Donc, pour parvenir à la conscience supramentale, il n'y a pas de recette. On ne va pas dire à quelqu'un, tu vas passer 10 jours dans le silence, aller faire une vie monastique dans le cadre d'une retraite spirituelle où tu vas pratiquer la méditation vipassana, c'est-à-dire une méditation où, ce que, par exemple, tu es en pleine présence des pensées qui émergent dans le mental, tu es en pleine présence des émotions que tu peux ressentir et également en pleine présence par rapport à des sentis corporels. Prenons par exemple la personne qui médite et va ressentir un petit peu une tension en dessous de la cuisse gauche. Bon, ben, elle va mettre la présence de sa conscience par rapport à la tension, par rapport à sa respiration, par rapport à son épaule. Elle peut faire un balayage corporel. Certes, de faire des activités comme ça, ça peut aider des gens momentanément à sortir de la réflexion. Sauf que le point, c'est que la solitude, si la solitude permettrait aux gens vivre la conscience supramentale, bien, toutes les gens qui auraient une vie monastique ou qui vivraient en retrait de la société seraient dans un état de conscience supramentale, alors que c'est pas nécessairement le cas. Il y a des gens qui vivent seuls et sont astralisés. Donc, il y a des gens qui vivent seuls dans un état de déchéance psychique où ils vont délirer. Donc, c'est pas nécessairement ça. Donc, parce que là, il me disait, c'est sûr que si on fuit la peur de la solitude. En effet, c'est malsain parce que à ce moment-là, c'est une réaction par rapport à une crainte, par rapport à l'astral. Mais ce que je dirais par rapport à la solitude, c'est ceci. C'est que si la personne réellement a la vibration de vivre un état de solitude, qu'elle vive l'état de solitude. Mais tout ça, c'est subtil parce que oui, il y a un mécanisme de défense qui consiste à faire plein d'activités d'une manière compulsive pour garder la solitude qui peut ramener l'individu à des conflits intrapsychiques non résolus à distance. Donc, la solitude peut être une façon de garder de la souffrance à distance dans le sens qu'il y a des gens, par exemple, que lorsqu'ils sont seuls chez eux, ils sont pas capables de supporter le silence. Il faut que la personne mette la télévision, il faut qu'elle mette la radio. Pourquoi? Parce que lorsqu'elle est dans le silence et confrontée à la pensée qui émerge dans le mental, si la personne n'est pas capable de gérer adéquatement la pensée auquel elle est présente, elle est exposée, puis ça crée un malaise, ben, elle va se réfugier dans des éléments de l'environnement extérieur à elle pour la garder tout le temps active. C'est comme la personne nie un malaise ou une partie d'elle-même qu'elle veut pas voir. Donc, par rapport à ça, c'est sûr qu'il faut que la personne soit capable, entre guillemets, de confronter ses démons intérieurs ou son astralité ou les éléments qui l'amènent à vivre la souffrance et être capable de les observer dans un état de stabilité psychique, de ne pas être déstabilisé par eux, mais c'est pas évident. Ça demande d'observer les choses froidement sans les réfléchir et être motivé. Donc, c'est sûr qu'en effet, la réalisation d'activités compulsives, ça peut être malsain, puis ça peut être une forme de récupération astrale pour que la personne ne prenne pas contact avec l'esprit, ne s'intériorise pas réellement pour agir en un état d'unité avec la conscience qui l'habite. Dans le sens que les activités d'une manière compulsive, c'est comme si ça crée une bulle alentour de l'individu qui l'empêche de voir clair par rapport à ce qu'elle a à faire. Donc, si elle ne fait pas ce qu'elle a à faire, elle est en déphasage par rapport à elle-même. Donc, la personne qui fait un paquet d'activités à des fins d'évitement parce qu'elle ne se sent pas bien dans sa peau, ça lui permettra jamais d'être bien dans sa peau parce que précisément, elle ne va pas étudier, observer la source de son malaise en elle. Donc, c'est une façon de gagner du temps en gardant le problème à distance, mais c'est pas parce qu'on garde des problèmes à distance que les problèmes vont se régler par magie. Donc, la personne, quand que je dis régler des problèmes, c'est parce que la personne, elle peut avoir à agir d'une manière vibratoire dans sa vie puis arrêter de faire de la procrastination par rapport à certaines choses, mais elle veut pas le voir, ce qui fait en sorte qu'elle se réfugie dans des éléments extérieurs à elle pour garder cette perception-là masquée, camouflée. Ça va pas neutraliser la souffrance qu'elle peut vivre en agissant ainsi. Parce que la meilleure façon de triompher de la peur ou de l'élément qui occasionne un malaise, c'est de le confronter. Donc, l'individu qui est un nouvel initié aussi va avoir une attitude confrontationnelle là, par rapport à la pensée qui jusque-là pouvait la déstabiliser. Dans le sens que si, par exemple, quelqu'un vit une angoisse existentielle, la personne a peur de la mort, elle a peur de mourir sans avoir accompli tout ce qu'elle désire en tant qu'ego accomplir. Bien, elle peut se garrocher, elle peut se lancer dans un paquet d'activités. Elle peut dire, il faut que je fasse du saut en parachute, il faut que je fasse un voyage dans tel pays, c'est mon rêve, c'est important pour moi, il faut que je fasse ça au moins une fois dans ma vie. Ensuite, il faut que je fasse du bénévolat pour aider les autres, il faut que je fasse ci, il faut que je fasse ça. Mais si la personne n'est pas capable de confronter, par exemple, la peur qui lui est induite dans le mental par l'astral, de la mort, bien à ce moment-là, la personne peut être gardée dans son existence à faire un paquet de comportements compulsifs pour garder la peur de la mort à distance. Mais ça va pas régler la peur. Ça va tout simplement la mettre en action dans une optique d'évitement. Tandis que si la personne est capable d'accepter la finalité de sa vie sur le plan biologique, d'être capable dans le mental par rapport à ça, ben, à ce moment-là, elle n'aura pas besoin de faire un paquet d'activités compulsives en réaction à de la peur. Elle va vivre en action et émission vibratoire. Et elle va avoir aussi la colère mentale pour neutraliser toutes les idées de peur. Dans le sens que la personne va être capable de dire, parce que quelqu'un peut être perfectionniste, puis se mettre de la pression, puis se créer des attentes dans sa vie en disant « faut que je fasse ci, faut que je fasse ça ». Puis la personne peut, dans la colère mentale, dire « ben, j'ai rien à me prouver à moi-même, j'ai rien à faire pour démontrer ma valeur. Je n'ai qu'à être ce que je suis, j'ai pas besoin de faire de bénévolat pour un paquet de personnes, j'ai pas besoin de Joe Sauveur, j'ai pas besoin de ci ». La personne, dans le fond, elle se fait plus récupérer par de la pensée qui cherche à la mettre en action, mais pas en harmonie avec l'esprit. Donc, tout ça pour dire que, à quelque part, il faut que si la personne a vu de la solitude, il faut qu'elle soit capable de contenir la solitude. Ça, c'est clair, là. Dans un sens, l'intégration et le déploiement de la conscience supramentale, c'est en relation avec un état de vide créatif qui est vécu, dans le sens d'un état de vide de réflexion, mais qui de l'espace, qui donne de la place pour qu'il y ait une émanation vibratoire qui soit générée, là, ouais. Donc, c'est ce que j'ai à dire en lien avec ça. Si je poursuis par rapport à l'échange de courriel, Francis dit que le discernement nous amène à ne plus être capable de côtoyer les structures sociales, les employeurs, les valeurs comprises dans la famille et la société. Il dit aussi, la société dans son sens large, c'est elle, la malade, et elle refuse de se le faire dire. Il dit, je ne me relie pas au système de croyance par vibration, alors je paye le prix de la solitude, de l'exclusion sociale. Combien de fois rejeté en emploi, ça va loin, hein? Le système est fou, il se protège. Le système est dans l'involution, mon ami. Deux mondes de réalité qui ne se comprennent pas. En fait, en lien avec son propos, j'ai présenté là, certains passages. Ben, lui, il part de la perspective que la société humaine est astralisée. Oui. Les gens en société en général sont astralisés. Or, si l'individu s'éveille en conscience, ben lui, il a pour principe que si la société est malade, psychologiquement, car inconsciente, ben à ce moment-là, pour se préserver de la société, à ce moment-là, il prend sa distance. Il ne côtoie plus les structures sociales, les gens en société, pour rester sain dans son esprit. Mais en même temps, tout ça, c'est subtil, parce que oui, la société est malade et malsaine par rapport au fait que la société est inconsciente et tant que les gens n'auront pas compris et intégré le principe que la pensée vient d'ailleurs, d'origine pas du cerveau humain, les gens sont dans une position d'orgueil et d'assujettissement malgré eux à des forces astrales, des forces de déchéance. Puis ils peuvent pas vraiment s'en libérer car ils ne voient pas clair par rapport à ce qui se passe. Et c'est sûr que quelqu'un qui constate que ce soit la famille, le travail, les différentes sphères de vie, tout ça est rempli de personnes astralisées. Quelqu'un, pour se préserver, va dire ben, « je vais vivre sainement dans un état de solitude, étant donné que la société est malade et peut me rendre malade de par les dysfonctions qui s'y rapportent. » Donc, c'est sûr que quelqu'un peut vouloir aller dans ce sens-là. Et la société est faite aussi de manière à rejeter les individus qui vont pas rentrer dans le moule. D'ailleurs, un adage qui dit « qui sort du moule dérange la foule ». Donc, qui est différent, c'est-à-dire qui est la personne qui a une conscience vibratoire, va déranger naturellement les gens qui ne vivent pas cette conscience-là simultanément. Il y a un décalage énergétique. Donc, c'est pas le même taux d'énergie qui est véhiculé. Et c'est sûr que c'est problématique, ça peut créer des malaises. Puis à un moment donné, ben il y a deux réalités. C'est-à-dire que autrefois il y avait des gens qui vivaient dans l'inconscience. À un moment donné, tu as des gens qui s'éveillent, qui connaissent une éthérisation de leur conscience. Et tu en as d'autres qui restent dans l'inconscience. Et là, plus que tu as des gens que leur conscience devienne éthérisée, puis plus que ces gens-là se détachent de la société qui ne vit pas simultanément, et plus que la quantité des gens qui vivent une conscience supramentale augmente, ben à ce moment-là, il y a comme deux réalités sociales qui sont en train de se créer, qui sont distinctes. C'est sûr que c'est une réalité. Et la problématique fondamentale que l'individu qui se conscientise peut vivre, C'est que l'individu qui vit d'une conscience vibratoire peut comprendre l'individu qui ne vit pas ça, qui est inconscient parce que dans le passé, il peut avoir vécu un état d'inconscience, un état de fonctionnement psychologique. Mais l'individu qui a un état de fonctionnement psychologique ne peut pas comprendre l'individu qui a un fonctionnement psychique étant donné qu'il n'a pas atteint ce niveau de conscience. C'est comme un enfant qui ne peut pas comprendre l'adulte. Par contre, l'adulte est en mesure de comprendre l'enfant étant donné que dans le passé, il avait déjà été lui-même enfant. Donc, l'individu qui a une conscience vibratoire, qui expérimente une forme de maturité psychique que l'autre qui vit d'une conscience psychologique infantile ne connaît pas, ben c'est sûr que ça peut être contrariant puis frustrant dans le sens que la personne qui a une conscience vibratoire peut comprendre celui qui ne le comprend pas et ça peut pas être réciproque. Or, si c'est pas réciproque, c'est pas égalitaire et la personne qui a une conscience vibratoire peut pas être pleinement respectée par l'autre qui ne vit pas ça. Donc, ce type de changement de conscience est propice à vivre un paquet de frustrations dans son rapport à la société. Par contre, est-ce que pour autant, pour se préserver vibratoirement, l'individu a à s'isoler par rapport à des gens qui peuvent lui manquer de respect car n'étant pas capable de comprendre et d'intercepter psychiquement sa sensibilité et s'y ajuster? Pas nécessairement, et c'est là que ça devient subtil. Parce que l'individu qui vit réellement d'une conscience vibratoire, il n'y a pas une attitude psychologique. Parce que quelqu'un peut avoir une attitude psychologique en disant « ben la société c'est de la merde, la société est vouée à sa déchéance, la société est remplie d'êtres de l'involution qui sont porteurs de vibrations dissonantes ». Donc la personne peut chercher à s'isoler dans sa bulle, un peu comme un moine. Or, si la personne fait ça par attitude psychologique, ça se peut qu'elle soit en décalage avec le réel de ce qu'elle a à vivre, c'est-à-dire que quelqu'un peut avoir à interagir avec des personnes, mais il faut qu'il suive la vibration. Ça se peut, ça devient délicat parce que c'est du cas par cas, hein? Parce que si on parle de conscience vibratoire, on parle de conscience individuelle, peut-être qu'une personne, chacun a à savoir par rapport à lui-même. Donc, c'est sûr qu'il y a des gens, ça se peut en effet, qu'ils ont à vivre une vie de reclus. Il y en a d'autres pas. Mais si la personne qui n'a pas à vivre une vie de reclus croit qu'elle a à vivre une vie de reclus, ben, à ce moment-là, elle est récupérée par l'astral et, dans le fond, est récupérée à ce moment-là par le désir de l'astral de pas souffrir de l'astral, c'est-à-dire le désir de l'ego de se reposer pour pas être confronté à des tensions énergétiques, des perturbations vibratoires, alors que précisément ce qui amènerait la personne à affiner sa combativité psychique, sa capacité de lecture des oppositions, ben c'est d'être exposé à des situations de combat avec l'astral dans son quotidien par rapport à des gens de la société évoluée. Donc, être exposé à l'astralité dans certains cas et des oppositions, ça peut amener la personne à aller plus loin dans sa compréhension du réel, sa combativité psychique et connaître une montée en vibration dans son rapport avec l'esprit. Donc, dans un sens, l'opposition peut servir à amener la personne à devenir quelqu'un de plus ajusté sur le plan vibratoire. Si elle a à vivre à ça, si elle a la capacité, la potentialité de connaître ça, mais c'est pas nécessairement le cas de tout le monde. C'est pas tout le monde qui sont voués à devenir de grands guerriers psychiques au quotidien à travers les interactions implicites par rapport aux échanges avec des personnes, que ce soit verbal ou à travers des activités ou des vibrations, sont mises en opposition. Donc, ça dépend ce que la personne a à faire et chaque personne a à se respecter, mais doit s'écouter réellement parce que si la personne sous-estime son rôle, ben, elle se fait astraliser parce qu'à ce moment-là, elle ne sera pas le vecteur d'une énergie éthérique par rapport à certaines personnes. Donc, elle retarde dans une certaine façon des descentes d'énergie ou des synergies vibratoires qui pourraient se créer dans sa vie ou dans celle de d'autres individus. Donc, son comportement peut être retardataire. Ça dépend, là, ouais. Donc, par rapport à tout ça, dire quoi? Ben, ça se peut que Francis ça y appartient avec lequel je change. Il n'y a pas la vibration d'aller avec les gens de la société. Il a vécu des situations difficiles. Si c'est réel par rapport à lui, puis c'est une façon de se respecter, ça y appartient. Donc, chacun a à savoir qu'est-ce qu'il y avait. En ce qui me concerne, c'est sûr que présentement, au moment où je fais l'enregistrement, j'ai encore à interagir avec des gens de la société, des membres de la famille. Si un jour la vibration m'est coupée par rapport à ça, j'aurai à agir en conséquence. Mais c'est pas le cas pour l'instant. Mais c'est à chacun de savoir. Donc, pour les gens qui écoutaient l'enregistrement, c'est à vous de voir à quel point vous avez interagi avec des gens en société, au niveau de travail, au niveau amitié ou en ce qui concerne les membres de la famille. C'est à vous de voir. Donc, sinon, en lien avec son propos, il me disait... il dit « Si on ne pense plus, on est correct dans nos vies. » Dans le sens qu'en lien que tantôt avec la réflexion puis l'angoisse, c'est sûr qu'il y a raison, dans le sens que si on réfléchit, on peut être angoissé. Si on est angoissé, ben on se sent pas bien, il y a différents symptômes. Il peut y avoir une accélération du rythme cardiaque, de la difficulté à respirer, les mains moites, ainsi de suite. Il y a des symptômes physiques par rapport à ça. S'il n'y a pas de réflexion, on neutralise ça. Donc, c'est intéressant de ne pas penser, mais à ce moment-là, si on ne pense pas, comme la nature horreur du vide, ben il faut s'occuper. Puis pour s'occuper, ben il y a un adage qui dit « vibrer pour agir ». Donc, c'est sûr qu'à ce moment-là, la personne a vu d'une conscience vibratoire, là, ce qui devient intéressant. Sinon, on est avec la société, il disait « c'est très binaire ». On est dans une société du bien ou du mal. Les systèmes se protègent. Si tu es de leur côté, ça va plus ou moins bien, mais la journée que tu t'éveilles, oh là là, tu es seul en crise, n'est-ce pas? Personne ne peut te secourir. Autrement dit, David, c'est fait pour que l'on s'en sorte seul, face à soi-même et sans référence aux appuis externes, seul, intime, relié à son moi profond et unique. Donc, par rapport à son propos, c'est sûr que la société est assujettie par des forces astrales malgré elle et gardée dans un état d'infantilisation psychique par manque de contenance d'énergie. Et par rapport à ça, on ne peut pas attendre que le salut nous vienne de la société, que la société améliore notre sort. Et c'est sûr que la personne, un peu comme je disais tantôt, qui sort du moule dérange la foule, c'est sûr que si la personne est d'une manière excentrique en société ou originale ou elle véhicule des idées différentes, c'est sûr qu'il y a des gens qui aimeront pas ça. D'ailleurs, il y a toujours une chasse aux sorcières qui est faite en société par rapport à moindrement que la personne va amener des idées qui divergent. Donc, dans la période qu'on a dite de pandémie, donc, au début de l'année 2020, on l'a vu très bien, c'est-à-dire que les gens qui n'adhéraient pas au narratif officiel se sont fait traiter de complotistes, de conspirationnistes. Donc, on leur a mis des étiquettes pour amener une stigmatisation sociale, c'est-à-dire pour les discréditer, les ridiculiser. Pourquoi? Parce qu'ils vont pas dans le sens de la société, donc ils représentent à ce moment-là une menace à la société, une menace au bien-passant. Et historiquement, on a vu ça continuellement. Donc, les gens, par exemple, qui nourrissaient des idées à caractère communiste aux États-Unis, pendant la période de la guerre froide, étaient vus comme une menace. Donc, les gens qui n'adhéraient pas au discours capitaliste ou néolibéral, ils étaient taxés d'être des individus qui... représente une menace à la civilisation américaine, et ainsi de suite. Donc, c'est sûr qu'on l'a vu à différentes époques. Les gens qui adhéraient pas à la religion catholique dans la période de l'Inquisition, donc aux croyances qui étaient véhiculées par la religion, les différents dogmes se rapportant à Jésus, au Christ, à Dieu, ils étaient brûlés sur le bûcher. Avec le temps, ça s'est raffiné un peu, là, c'est-à-dire qu'il n'y a plus des gens qui vont se faire brûler sur un bûcher, mais d'une manière symbolique, la personne qui s'affiche ouvertement en ayant une pensée différente qu'est-ce qui va arriver? C'est qu'ils vont détruire sa réputation sur la place publique, les gens qui ne veulent pas que le système change, car ils s'en tirent profit. Donc, il y a toujours des forces qui vont chercher à conserver leur mainmise. Et à un moment donné, tu as des gens qui sont mis en vibration créativement pour amener des changements. Ce qui amène une situation de conflit entre des forces qui amènent de la nouveauté et des forces qui cherchent à faire perdurer des façons ancestrales de penser. Donc, des tensions. Il peut y avoir des forces liées à la modernité qui cherchent à amener des gens dans une direction, simultanément des forces liées au conservatisme religieux et à l'intégrisme qui cherchent à maintenir le statu quo. Donc, ça peut donner place, entre autres, à des tensions sociales comme on peut le vivre au Moyen-Orient. Puis, dans certains cas, il y a des changements qui s'opèrent parce que il y a quelques années, dans un pays au Moyen-Orient, les femmes n'avaient pas le droit de conduire une automobile. Et il y avait des femmes, entre autres, qui avaient été exposées à des émissions qui proviennent des États-Unis ou des femmes qui sont en contact avec des Occidentaux, où les gens dans les pays occidentaux vont permettre aux femmes de conduire l'automobile. Et si des femmes conduisent des automobiles dans des pays comme la France, le Canada, alors pourquoi pas qu'elles en fassent autant au Moyen-Orient? Donc, il y a des forces qui cherchent à amener des changements, on va dire des forces de la modernité, puis en même temps, il y a le conservatisme religieux qui cherche à maintenir le statu quo par rapport à certains rôles traditionnels associés aux femmes. Il y a des tensions là, par rapport à ça. Donc, si on parle, ça c'est un niveau de changements sociaux, mais si on parle à un autre niveau par rapport à un changement vibratoire, donc l'individu qui s'éveille individuellement, qui intègre l'énergie de l'esprit, qui vit la fusion, bien, il est seul. Donc, il ne peut pas attendre que la société va le secourir ou l'aider. Dans le fond, la personne, il faut qu'il vive sa vie par lui-même, en lui-même et pour lui-même. Mais ce n'est pas nécessairement évident. Pourquoi? Parce qu'il ne peut pas s'appuyer sur un collectif pour le soutenir. Donc, si par exemple, il y a un groupe de femmes dans un pays au Moyen-Orient qui se sont associées ensemble, qui ont fait un forum de discussion ou un groupe pour en venir à faire de la pression sociale pour avoir le droit de conduire, ça, il y a un support qui est fait entre des individus pour amener un changement de société. Même chose pour le lobby LGBTQ+, qui a amené des changements en société, là, entre autres en Occident, là, au cours des dernières années. Parce que c'est des gens qui se sont mis en réseau. Or, l'individu qui a une conscience vibratoire, il peut pas psychologiquement s'affilier à un réseau. Par rapport à un collectif, il va vivre ses choses par rapport à lui-même. Certes, il peut être mis en vibration pour être en contact avec d'autres individus, sauf que l'affiliation avec des personnes n'est pas en lien avec son désir. Mais ça se fait en fonction de lois d'énergie, de lois vibratoires qui lui échappent. Dans le sens que s'il n'y a pas de libre arbitre, il y en a une intégration réelle, il en vient à un stade où ce qui n'est plus angoissé et angoissable par rapport à la situation, car a neutralisé la réflexion dans son esprit, il est capable de regarder ça froidement, mais il est obligé de réaliser, puis ça peut être très insécurisant, que s'il est en contact avec des gens pour échanger vibratoirement, c'est pas lui qui le décide. Objectivement parlant, c'est parce qu'il y a une mise en vibration du plan éthérique qui va faire en sorte qu'une autre personne et lui-même vont être appelés à communiquer ensemble. Et à ce moment-là, il ne fait que suivre une loi d'énergie qui s'opère entre eux. Donc, les synergies sont plus créées en fonction d'un désir de liberté. Tu as des gens, par exemple, qui sont homosexuels, se sont affiliés ensemble pour faire des pressions sociales, pour améliorer et favoriser l'acceptabilité de l'homosexualité en société, en Occident. Donc, si des gens agissent de même en fonction d'un désir d'émancipation, ça, c'est un niveau d'action. Tandis que le niveau d'action de l'individu nouveau, c'est pas en fonction du désir, c'est en fonction de suivre une loi d'énergie. Certes, quelqu'un peut suivre une loi d'énergie en devenant un porte-parole de personnes homosexuelles dans l'optique de favoriser leur épanouissement social. Mais tout ça, c'est subtil. C'est à l'individu de voir à quel point il y a à se mettre en action ou à s'impliquer par rapport à un collectif ou non. C'est tout le temps à lui de voir là, et de savoir. Là. Mais à la base, l'individu conscient, oui, il est seul. Mais il est seul, paradoxalement, en agissant en état d'unité psychique par rapport à un réseau d'être sur le plan éthérique. Donc, il est seul en étant en état d'unicité avec le tout. Dans un sens. Mais en lien avec le propos tenu par rapport à la solitude, le point que je voulais faire, puis je voulais mettre l'emphase là-dessus, c'est que c'est tout le temps une question vibratoire, dans le sens que je pourrais faire pendant 20 ans, 30 ans, 40 ans des enregistrements, mais je reviendrai continuellement au même constat. C'est à l'individu de suivre sa vibration et c'est du cas par cas. Pour une personne, ça peut être intelligent momentanément de s'impliquer dans un mouvement politique pour favoriser l'amélioration du sort d'une population de la Terre. Puis pour une autre personne, c'est pas du tout pertinent de faire ça. Pour une personne, ça peut être pertinent de vivre en ermitage dans un chalet en nature. Puis un autre, c'est pas le temps de faire ça parce que si la personne fait ça par attitude psychologique, en se faisant croire qu'en agissant ici, c'est là qu'elle va se développer sur le plan de la conscience, puis elle va intégrer encore plus en profondeur la conscience de son esprit, puis si elle se raconte des histoires, elle est récupérée par l'astral en agissant ici. Donc, autrement dit, elle subit une forme de désinformation psychologique qui fait l'affaire de son égo et qui justifie une forme de passivité. Or, l'état de passivité ici est en relation, dans le fond, par rapport à la peur d'aller vers les autres. Elle est manipulée. Et l'individu qui va aller continuellement vers les autres compulsivement parce qu'il a peur de se retrouver dans sa solitude, il est également manipulé par l'astral. Fait que vous voyez, tout ça, c'est subtil. Il n'y a pas de recette préétablie, prédéfinie que chacun peut suivre pour être bien dans sa peau. Si ça serait le cas, ça serait extrêmement facile d'accéder à un état de conscience intégré. Il suffirait de suivre la recette. T'sais, on aurait juste à dire aux gens, ben, vous avez juste à aller méditer pendant 10 jours de temps dans le cadre d'une retraite spirituelle en nature, dans un beau chalet. Vous allez pratiquer telle technique de méditation à chaque jour, puis après ça, votre fusion est intégrée au complet et c'est réglé. Merci, bonsoir. Mais non, c'est pas comme ça. Donc, et tout ça devient subtil parce que quelqu'un peut dire sur le plan de la psychologie puis du sens commun, c'est pas intelligent que quelqu'un reste seul parce que c'est des affiliations. Ça peut mener la personne à sombrer dans la dépression. C'est vrai pour certaines personnes, mais dans certains cas, la solitude peut améliorer la personne parce que ça peut l'amener à se reposer de la pollution sociale qu'elle pouvait vivre jusqu'alors en société, au niveau travail, amis, famille, où elle était confrontée à un paquet de personnes qui vampirisaient son énergie. D'ailleurs, ça peut être sain momentanément que quelqu'un soit en retrait social pour prendre conscience pleinement de tous les dégâts de la vampirisation énergétique qu'elle a vécu et subi depuis son enfance, de voir clair par rapport à ça et par la suite retourner en société, mais avec une conscience nouvelle, où la personne va être plus lucide par rapport aux gens qui cherchent à lui vampiriser ses énergies, lui voler ses énergies vitales, puis être capable de dire non, de s'affirmer, d'être capable de contester les gens qui cherchent à la dominer, de ne pas être imprégné par leur astralité, de ne pas subir leur état de virulence et de contagion psychique astrale et se faire récupérer par des forces qui desservent ses intérêts. Mais ça demande de la volonté. Donc, quelqu'un peut s'isoler ponctuellement pour faire le point sur sa vie, observer qu'est-ce qui lui draine son énergie, donc identifier les sources de perte d'énergie, puis ensuite retourner en société en contact avec des gens, mais avec une vision renouvelée. Donc, ponctuellement, dans certains cas, la solitude peut être utile, mais c'est toujours en fonction de chacun. Donc, vous voyez, en abordant ça, il y a plusieurs perspectives, puis je pourrais encore en présenter pendant plusieurs heures. Mais l'idée, c'est de comprendre qu'il n'y a pas de recette idéale par rapport à la gestion de la solitude ou le rapport à la solitude, et que c'est propre à chacun. Donc, c'est vrai présentement. Là, sur ces considérations, je vous laisse. Merci de votre écoute et je vous dis à bientôt. Au revoir.